Arnaud, pour me faire pardonner, mais ce n'est pas une chanson de toi, c'est que depuis quelques temps, quelques semaines, presque un mois et demi, il y a une chanson qui me turlupine, qui me revient constamment. Quand je travaille, je la chante et puis j'aimerais vous la faire partager. Puis surtout, je tiens à m'excuser d'avoir touché à ma platine un peu trop... Avec violence? Non, je suis pas un gars. Madame, je suis pas un... Non, c'est... Rénal n'est pas un garçon violent. Sauf au niveau des mots, quelquefois. Ça dépend des individus. Mais non, c'est règle générale. Il est tout doux. Mais là, je sais pas pourquoi, mais ça m'est revenu à la mémoire. Un peu comme les chantiers, les cahiers de la bonne chanson, là. Hein? Il y a des ritournelles. Mais là, celle-là, elle m'a collé à la peau. Elle me colle encore à la peau. Donc, je me fais plaisir et j'espère de vous faire plaisir. Et pour ce mois d'août, hein, le 1er août, c'est doux, le mois d'août, madame. Oui, c'est la Watt. C'est la Watt de toutes les matières. Et c'est le mois d'août qu'on préfère. La civile et la cive en négligé de soi. C'est le mois d'août. Donc, débutons ce moment charnière de l'année. Ouais, mais ça veut dire que le mois de septembre, c'est pas charnière, ça? Le mois de décembre, c'est pas charnière? Le mois de janvier, c'est pas charnière? Comment ça? C'est le mois d'août? Non, mais il fallait trouver un moment précis pour vous faire partager cette chanson. Mais qui n'est pas un classique. Mais qui a joué quelquefois et sans le savoir, ça vous a fait... Ça vous remémorera. Si t'as pas... Non. Si t'as pas reconnu tes torts, Romera, reste là. Mais Hugues, lui, peut nous la présenter. Ce n'est pas une chanson de rock voisine, mais de Hugues Auffray. Ah, vous pouvez danser aussi, hein? C'est tellement beau. Écoutez les paroles, c'est un tantinet subversif. En ce temps de ta jeunesse, pour mes yeux de jeune loup, tu avais noué tes tresses. Un jour autour de mon cou, je t'offrai mon innocence dans le cœur d'un anodin. Mais le soleil de l'enfance m'aveuglait trop fort encore. Mon Hélène, à l'ombre de la fontaine, tous tes beaux cheveux de laine, mon Dieu comme je t'aimais. Nous longions la rivière en descendant le courant. Tes pieds nus frôlaient les pierres comme des poissons d'argent. Tu dégrafais ton corsage et quittais ton jupon blanc. Tourterelle ton corps sauvage, tu cachais tes seins d'enfant. Mon Hélène, à l'ombre de la fontaine, sous tes beaux cheveux de laine, fondu comme je t'aime. Je n'ai pas défait ton châle, ni dormi auprès de toi. Aujourd'hui de ton visage, aujourd'hui longtemps après, j'ai perdu jusqu'à l'image, mais j'en garde les regrets. Mon Hélène, à l'ombre de la fontaine, tous tes beaux cheveux de laine, mon Dieu comme je t'aimais. Mon Hélène, sous les branches du grand chêne, j'ai le cœur rempli de peine. Jamais. J'ai reçu un appel de Maryse qui me demandait, parce que, bon, elle avait une petite idée, elle est dans sa voiture, elle ne peut pas vérifier sur Internet, et ça va me faire un grand plaisir, parce qu'il y a des auditeurs, auditrices qui n'ont pas accès à Internet, puis c'est pas non plus nécessaire pour vivre. Bien au contraire, si vous ne l'avez pas, restez comme ça. Vous êtes tout à fait marginal, et moi, ainsi que CKRL et tous ces regroupements qui sortent un peu du lot, veulent garder ce côté un peu terroir. Donc, restons ce que l'on est. Ne nous modifions pas pour être à la technologie. Bon, qu'est-ce que veut dire, pour venir tout simplement à vous raconter, qu'est-ce que veut dire subversif ou subversive? Ben, c'est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique. Par exemple, dans la chanson « Hélène » de notre ami Hugo Frey, le propos en est bien sûr subversif, comme aussi, il y en a plein dans la chanson et dans la littérature et dans la peinture, dans l'art en général, dans le théâtre. Mais du côté chanson, là, Léo Ferré, ton style. J'ai perdu une cyber amie que j'avais rencontré à Paris il y a quelques années, il y a peut-être 14-15 ans, et puis elle ne pouvait pas supporter que je place sur mon mur la chanson de Ferré, mon style, puisqu'il racontait un peu ce qui l'avait amené à l'écrire. Je l'ai perdu. Comme disait Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. De mort lente. Alors, avant de vous parler de mon premier thème, de mon premier sujet, pourquoi pas encore de la musique? Ça va rafraîchir les mœurs. Pas les morses. Non, les mœurs. Les morses, ça, c'est autre chose. Quelle est la différence entre un morse et un fuck? Ah, bon, je suis pas ici pour expliquer tout ça. Moi, là, je suis pas un jardin zoologique, là. Mais une petite chanson, après ça, un autre sujet. Quoique ça a trait, ça a un lien, la thématique reste les animaux. Oh, nos amis, les animaux, nous sommes des animaux. Parle pour toi. Oui, nous sommes des animaux. Toi, tu es une belle. Toi, tu es une belette bavarde. Mais merci beaucoup. Et toi? Attends, baisse un peu. Okay. Toi, tu es une tourterelle chantante. Ah, mon Dieu, merci. Oh la la la, oh la la la, oh la la la, c'est magnifique. Oh là là là, oh là là là, oh là là là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique aller dans le bois, se faire plaisir, tu sais, se brancher à la nature. Aller voir si on est encore dans le cycle et non pas dans le cirque humain. On est, le cirque, là, on y est. Si vous vivez en ville, vivez-vous en ville, vous? Non, non, je vous le demande, vivez-vous en ville? Vous vivez-vous? Où vivez-vous? Vous vivez ici. Ici, c'est où? D'accord. Bon. Mais pour nous, les Québécois, les Québécoises de Québec, de Montréal, de Sherbrooke. En tout cas, si t'es pas en banlieue ou en périphérie, t'es dans une ville. Une petite ou une grosse ville. Une ville, ça reste une ville. Hein? Il y a un centre névralgique. Bon, dans une campagne, à part l'église, là, puis la petite épicerie, l'épicerie du coin. Pas l'épicerie du milieu, l'épicerie du coin, c'est névralgique. Tu sais, il y a 3-4 personnes qui... Ah, alors, ton feu de foyer, comment va? Oui, ça va. Avez-vous du bois? Oui, du bois. Du bois mou? Ah, mais c'est ça, j'ai dit à mon mari aussi. T'as le bois mou, toi? Ouais. On aimerait ça avoir du bois dur. Ah oui, ça a pris l'eau, ça, hein, pendant toutes les... Non, mais l'été était beau, mais... un bel été. Non, l'été était belle. L'été était beau, belle, beau, bi, beau, bu, babi, bu. Je reste avec lui. On dirait que je perds mon vocabulaire. J'étais institutrice. Oui, madame, institutrice. Mais là, j'ai perdu mon latin, mon français, puis... Mais le latin, c'est parce que je vais plus à l'église. Comment ça, c'est plus en latin, l'église? Depuis quand? Mon Seigneur, j'ai-tu manqué le train, moi, là? On prend toujours le train pour quelque part. Mais là, moi, je suis parti en forêt. OK? C'est ça, l'histoire. On va arrêter ça. Je suis parti en forêt pour chasser et nourrir ma famille. Je dis, hey, ça coûte cher. La vie coûte cher. Saint-Simon, hey, non, mais diantre de Saint-Hubert, c'est incroyable. Si t'as pas les moyens financiers, je sais pas qu'est-ce que t'as. Moi, j'ai 3 emplois, moi, là. J'ai 5 enfants, 3 emplois. Une femme. Non, j'ai uniquement une femme. Elle me satisfait pleinement. Ah, mon Dieu. C'est une hirondelle au matin. Et puis, c'est... Oh, oui. C'est une comédienne en fin de soirée. Très bonne comédienne. Elle me fait rire. Elle connaît tous les grands classiques. Ah, oui. De Molière à Michel Tremblay. En passant par Jean-Jacques Anou. Non, il n'est pas Anou, il est à lui, là. Le dramaturge là, qui dit « Pourquoi revenir un soir quand le jour nous apparaîtra si clair? » Vous ne connaissez pas? Bon. Fait que moi, là, j'ai décidé, c'est pas important, ça. C'est pas ça le fond de l'histoire, c'est d'aller en forêt pour chasser un animal. Et c'est l'orignal. À chasser l'orignal, là, c'est pas petit, là. C'est pas la petite chouette, c'est pas le lapin, c'est assez insignifiant, le lapin. Là, vous allez me dire, faut être un bon tireur. Bon. Mon ancienne blonde m'a dit que j'étais un très bon tireur, mais pas dans la forêt. Non, j'ai jamais tué... Non, elle avait 3 chats. Non, j'adore les animaux. Pourquoi tu les tues? Comme je vous disais, c'est pour me nourrir et nourrir mes proches, ma famille, mes enfants. Mes voisins aussi qui n'aiment pas la pêche et puis qui n'aiment pas le... Mais encore là, la pêche, c'est une autre histoire. Mais là, moi, c'est la chasse. Mais là, aujourd'hui, je parlais avec un chasseur d'état moderne, là, tu sais. Moi, j'ai commencé en 71. Puis lui, là, c'est en 89-90. Tu sais, le Bluetooth est arrivé, lui aussi, en forêt. Puis je le voyais planter des caméras un peu partout sur son territoire. Puis là, j'allais le voir. Moi, je suis allé le voir parce que je suis curieux. La curiosité, c'est un signe d'intelligence. Hein, ma femme? Ma femme? Je sais pas. Elle dit rien, elle parle pas. Quand elle sera coquille, là, c'est parce que j'ai peut-être tort. J'ai tort! Ben voyons donc, toi! Depuis quand? Depuis que j'ai dit oui, je le veux! Ouais, parce que c'est en forêt, j'ai mangé trois bourdons. Parce que, oui, dans ma tête, parce que moi, il y a des affaires qui se passent dans ma tête. J'entendais, il y a trois bourdons qui chantent. C'était quoi ma chanson? Un, deux, trois, il y a trois bourdons chantons. Attends. Ah oui! Il y a trois bourdons dans mon étable. Pourquoi les manger? Mets l'écoute. J'ai trois bourdons dans mon étable. Mais là, c'est pas dans l'étable. C'est dans la forêt. OK, on change de place, c'est pas grave. Moi, là, le lieu, je peux me retrouver n'importe où. Mais là, c'est sûr qu'on s'en va à la chasse à l'orignal. J'ai trois bourdons dans le fond de la gorge. Puisque... j'ai trois bourdons dans le fond de la gorge. Quand je les ai vus, ça rime pas si je le dis. Ça rime pas, mais c'est pas grave, on continue. Non. Ne criez pas au désastre. Bien au contraire. Ça fait que là, lui, il me raconte, ah, ben moi, aujourd'hui, là, c'est Bluetooth, là, je place mes caméras, puis... je m'arrange pour tout voir, puis là, je m'en vais chez nous, parce que lui, il reste en ville, tu sais, à 45 minutes de la forêt. Fait que là, je mets ça devant, tu sais, j'ai mon cellulaire, puis quand il y a quelque chose qui passe, ça vibre. Là, je regarde sur ma télévision, ou sur mon cellulaire, je préfère voir ça sur ma télévision. Moi, j'ai trois télés, tu sais, pour que ça soit... panoramique. Tu dis, panoramique, c'est pas des mots que tu comprends pas. T'es pas en cinéma, toi. Moi, j'ai une formation en cinéma. Arrête de te vanter. Panoramique, c'est un ensemble, une vue générale. Ouais, c'est à peu près ça. On peut dire ça de même, là. Mais non, mais il n'y a pas de cadre. Tu sais, le cadrage est large. Ah, là, t'as raison. C'est pas du 3-4. OK. 4-5. Ah, c'est pas 4-5 non plus. 6-7. Ah, oh, mon Dieu. 12-14. Oh, 12-14, c'est large un peu. Ouais, mais plus t'es large, plus tu vois large. Puis plus tu vois large, plus tu peux observer tous les animaux qui passent sur ton terrain. Parce que moi, j'ai payé ça, ce terrain-là. C'est à moi. S'il y a des chasseurs, j'ai même le micro qui dit « Hey, enlevez-vous de site, là. C'est privé, cette affaire-là. Là. Moi, j'ai payé, là. Qu'est-ce que c'est à moi? » Gontran Boudreau. Gontran Boudreau. Puis si vous voulez que j'appelle la police, allez vous appeler. Ça court, parce que, tu sais, c'est des... Comment ils appellent, là? C'est des gens qui n'ont pas le droit... Mais des récidivistes, ben peut-être s'ils le refont deux fois, trois fois, quatre fois, mais ils n'ont pas le droit. Fait que là, lui, il installe ça, puis son urine de parce qu'il va chercher ça, puis même il demande à sa femme, peux-tu pisser un peu? Uriner, en tout cas. Peux-tu mettre ça là-dedans? Puis elle dit, ouais, mais moi, je ne suis pas un organe. Non, mais je fais des mélanges. Puis les mélanges, là, ça attire l'orignal en route. Puis je sais que toi, t'es pas mal. Hein? Que je suis pas mal quoi, mais. Tu sais, t'aimes bien ça. T'aimes bien ça quoi? J'aime bien ça quoi, moi, là, là? Oh, ben, arrête de poser des questions, puis fais des pipis, là. Fais des pipis, moi, mais j'ai rien à boire. Ah, ben, là, moi, on va appeler Renal, il fait sa propre bière, toi, là, là. Es-tu prête à boire de la bière? Ah, ben, là, non, je risque d'être saoul et de perdre la tête. Mais c'est ça, bois de la bière, au moins, on va avoir du plaisir. Ça fait que là, il a pas appelé Renal parce qu'il voulait rien savoir de ça. Elle a uriné dans un petit bol, puis bon, ils ont mis ça avec d'autres ingrédients naturels. Tout est naturel chez lui. Puis là, il place ça un peu, tu sais, comme une incantation vers l'orignal qui lui viendra sentir, pour ne pas dire dans le discours très urbain, pour ne pas dire très, très urbain. Non, mais plus qu'urbain, ben plus underground, sniffer. Sniffer l'urine. Puis là, ça sniffe un orignal, là. Puis ça a des grandes... c'est pas des cheveux, ça, là. C'est des cornes. On appelle ça des cornes. Mais des cornes, c'est... Puis tu peux connaître l'âge de l'orignal avec le nombre de cornes qu'il a, parce que ça, c'est comme un arbre. L'arbre est dans ses feuilles, malilon, malilon. L'arbre est dans ses feuilles, mais l'orignal, lui, il est dans ses cornes. Pour savoir à peu près, là, sa longévité, tu sais, quel âge il a, tu regardes toutes les cornes qui poussent sur les cornes. Il y a des cornes, un corne, attends un peu. Moi, t'expliquer tout ça, ça a l'air d'être compliqué, là. Dans ma tête, c'est très clair. Il y a deux cornes principales. OK? Puis à travers ces cornes-là, il y a des petites cornes qui se forment. Puis à travers les petites cornes, il y a deux petites cornes. Fait que plus il y a des petites cornes, plus tu peux savoir que ce mâle-là est vieux. On appelle ça un boc. En parlant de bière, quand tu dis « je vais prendre un boc », c'est pas une petite bière, là. C'est une, un boc. T'en mets de la bière, c'est un boc. Là, tu colles pas l'orignal, tu colles juste le boc. Fait que là, moi, mon voisin, il me dit, moi, il n'y a pas de problème, là, je place de l'urine, tout ça, puis je m'en vais chez moi, puis je m'installe devant ma TV, puis j'ai mon cellulaire, puis je regarde une émission, puis quand ça vibre, je m'en vais voir le poste où j'ai branché mes caméras, puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis s'il y a un beau boc qui m'intéresse, j'embarque dans ma voiture avec mon fusil, puis j'arrive là en quoi, 40, 45 minutes, puis là, il est là en train d'encore bouger. Moi, j'arrive en forêt, tu sais, dans la forêt, puis là, je le tire, et je l'ai. Je dis, hey, toi, là, on n'appelle pas ça de la... Non, hey, on appelle ça de la... C'est pas sportif pour Saint-Saëns. Il n'y a aucun sport là-dedans. C'est télévisuel. T'es écrasé. T'attends l'événement. T'es comme un journaliste, tu sais, un journaliste de sensation, là. T'es dans ta voiture. J'en ai connu un quand je travaillais à côté de CKRL. On l'appelait le raton laveur parce qu'il y avait deux grosses cernes au niveau des yeux. Il travaillait une nuit. Pour une citation que je peux pas dire, elle n'existe plus. Oh, TQS, ça n'existe plus, TQS. Il travaillait pour TQS. Ça fait que lui, il était avec son camion TQS, puis il venait chez nous prendre du café, puis là, avec ses CB, il y avait 3-4 CB, je vous jure que c'est vrai. Puis là, quand il y avait un événement, oh, pop! Là, je savais qu'il y avait l'événement. Puis j'avais une émission à CKRL, en direct le samedi. Et des fois, il y a des personnages qui parlaient de vraiment ce qui était arrivé. C'est du direct. Bon, vous allez me dire, ouais, mais là, si c'est passé un lundi, ton émission est samedi, ben oui, mais là. Puis il y a des affaires que les journalistes parlent pas parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt, mais moi, je le savais. Juste pour le plaisir, je le disais. Là, il n'y avait pas rien, là. T'sais, on m'a pas appelé, la police m'a pas appelé. Quoi qu'elle m'a appelé, la police, elle me dit, tu me dois 250$. Je dis, hey, police, t'es quelle police, toi? Ben, j'en suis une, là. Ton nom? Ça a raccroché. Hey, des fois, on se fait avoir dans la vie. Non, mais moi, la chasse que je connais, là, c'est pas compliqué. On va vous le dire. C'est qu'on se retrouve à un moment donné avec avec un groupe à Maniwaki. OK? C'est une petite région de l'Outaouais, au Québec. Puis, il y a des gens autour qu'on connaît puis qu'on connaît pas. Tu sais, il y a des amis, puis il y a des amis des amis. Donc, on peut pas vraiment, là... On fait connaissance, voilà. Puis à travers ça, ben, il y a des aides qui s'appellent Louis-Philippe, Philippe, Stéphane, Maurice, Bernard, Michel, Claude. Puis là, c'est juste des gars. Ben oui. Mais il y a aussi des gens, des filles qui font de la chasse. On peut appeler ça de la chasse de filles. Entre filles. Fait qu'ils s'en vont, elles aussi, chercher l'orignal, caler l'orignal pour un jour. Tu restes pas deux ans là-dedans, là. Tu sais, c'est très court. Là. 3-4 jours, 5 jours, une semaine maximum. Hein. Une semaine, là, tu deviens un peu comme l'orignal. Tu te promènes tranquillement. Tu t'enhausses des branches. Puis on entend... Puis, hey, c'est-tu un peu le cri... On va faire une blague là-dessus. Oh, non, on est ici pour blaguer, Mme Tremblay? Non, pas vraiment. Moi, je vous dis que oui. Le dépendant affectif, là, savez-vous comment il cale, lui? Non? On va vous le faire. Mettre des côtes, ouais, t'as pu. Je l'ai déjà fait, celle-là, hein? Et drôle, une fois, mais deux fois, c'est un peu... c'est exagéré. Oh, mon... Mais, hey! Quand on est là... Parce que le plaisir là, de se retrouver en forêt avec des amis, puis des amis qu'on connaît pas, puis qu'on fraternise, puis on n'est pas du même lieu. Là. Il y a des bureaucrates, il y a des gens qui sont... Ben, en fait, il y a des intellos, il y a des manuels, puis tout ce monde-là se rejoint pour le seul plaisir d'être en forêt pour aller chercher la bête lumineuse que l'on appelle le... Ouais, c'est l'apostrophe. L'orignal. Parce que le orignal, ça marche pas. Eh non, en français, le orignal, on peut pas. Non, Ticu Baudouin, essaye pas. Ils l'ont essayé. Mais l'office de la langue française m'a dit, Rénal, si tu oses le faire, nous te le dirons. Fait que là, j'attends tendrement. J'entends, on dirait Félix, j'attends qu'on me le dise. Mais là, Madame Thibodeau, M. Tremblay, quand tu t'en vas à la chasse, c'est une phrase classique, tu perds ta place. Ben oui, t'es la veille de partir dans la forêt. Là, je te parle pas du gars moderne là, qui est devant sa télé à regarder à manger des chips, à boire de la bière, puis à voir un boc passer, puis à prendre sa voiture, puis s'en aller, puis après ça avec son fusil, le tirer. Là, c'est pas ça. Je te parle du vrai, là. Qui prépare l'événement. Des fois, 4-5 mois d'avance. Puis là, il prépare sa femme aussi. « Hey, Julie, là, j'ai un ami. J'ai mon grand ami, excuse-moi, Bernard. Bernard m'invite. Bernard Lheureux m'invite à la chasse à l'orignal. Puis je peux pas dire non. Tu sais, moi, je travaille, je suis fonctionnaire. Je travaille avec des gens qui sont malheureusement cartésiens, ou heureusement cartésiens, parce que sinon, hein, l'État n'aurait pas tout autant d'argent, ou en tout cas, il ne pourrait pas vivre sans les cartésiens. Mais là, je veux m'évader. Et puis, on m'a conseillé d'aller à la chasse. Donc, c'est loin de moi, la chasse, là. J'ai jamais tenu un fusil de ma vie. Même pas un fusil à l'eau, le fusil. T'es-tu à l'eau ou à balle, toi, là? Si c'est une balle, est-ce que c'est une balle à plomb, une balle mobile, une batte mobile? Non, c'est pas Batman, ça, là. Hein? C'est quelle sorte de balle, mon cher fusil? Là, le fusil te répond. tire-moi, tu vas voir. Oh. Comment ça, tu tire-moi, tu vas voir? Ben oui, en tirant, il y a la balle qui va sortir de l'orifice. Et dans cet orifice-là, ils vont examiner quelle balle a été projetée par le fusil. Et là, tu sauras le style de la balle. Comment ça, tu sais ça? Mais moi, j'écoute des affaires de crime, hein? Ah oui, ah oui, en mangeant du maïs soufflé avec Gaétan à côté de moi, puis elle me met la main sur la cuisse, puis elle dit, c'est épouvantable, puis elle me brosse la cuisse de même, puis là, je dis, mais yon donc, hein, c'est possible, c'est arrangé, ça peut pas être de même, puis là, tu vas faire des recherches après ça sur Internet avec les gens qui sont écrits là-dessus, là, puis là, c'est vrai, ça existe, c'est vrai. Je dis, ben voyons, c'est arrangé, puis là, avec le producteur, ils ont mis ça, c'est une fausse page Facebook, ou c'est une fausse page Internet, puis là, je Facebook, il n'y a pas juste Facebook dans la vie, là, il y a Internet. Quoi qu'Internet, c'est Facebook. Mais c'est pas vrai. Tout est une machination. Là, elle s'est arrêtée à me regarder. Elle a dit, t'es-tu un peu malade? Ben non. Tout est une fabulation. Ben oui, tout est une fabulation. On te fait croire que, mais c'est pas vrai. Ben oui, elle est morte. Regarde, va tape son nom. Ben, je peux pas le taper, elle est morte. Non, taper son nom, ok, oui. Oui, son prénom, oui. Minnesota, oui. Minnesota, ok, oui. 1977. Ah, ben oui. Il y a un dossier. Il y a 6-7 dossiers là-dessus. Ah, ben voyons d'autres, oui. C'est la voleuse de crottes de fromage. Eh ben. Ben voyons d'autres, oui. On n'invente pas ces affaires-là. C'est du réel. C'est pas au-delà du réel, fring, au-delà du réel, fring, mais là, t'es à la chasse, OK? T'es à la chasse, puis là, excusez-moi, on voit du coq à l'âne. L'âne. Puis moi, mon pitou aussi, c'est un âne à sa façon. Ah oui, c'est épouvantable. Il m'écoute pas, il m'écoutera jamais. Mais il faut dire aussi qu'on est plusieurs mètres après. Nous sommes 1, 2, 3... Mais moi, je m'en vais. Oui, je me retire. Je suis pas un adulte. Mais il y a 2 adultes, puis un incertain. Ça veut dire quoi, incertain? Ben, on l'a pas qualifié. Donc, un inqualifiable. OK. 2 adultes et un inqualifiable qui s'occupent d'un pitou. Ah, mon Dieu! Un pitou. Un pitou, ben, un pitou, là, tout doux. Pas de poils, juste du cheveu. Parce que moi, je suis allergique. Hey, là. Hey, le mois de mai a été difficile pour moi. Ah, hey, les yeux me rougissaient. Les babines me tremblotaient. Là, je voyais tomber une fleur, là, bourgeon. Je voyais tomber un bourgeon. J'éternuais. Tu sais, j'étais comme très attiré par ce printemps qui est pour moi souffrant. Là. Je souffre le martyr, Mme Tremblay. Ouais, mais là, c'est fini, on est rendu au mois d'août. Mais voyons donc, es-tu malade ou au mois d'août? Ah, mon Dieu, là, le temps, puis tout ça, je sais pas, je suis perdu, je suis comme l'oiseau. Non, mais si tu serais comme l'orignal, tu te cacherais dans la forêt. Puis là, tu verrais le monde, des hommes avec leurs fusils qui se pointeraient vers toi, puis qui voudraient ta peau. Hey! Donc, s'ils veulent ta peau, faut que tu la sauves. Mais toi, tu le sais pas. Mais tu la ressens. T'sais? T'es un orignal. Pas un original, un orignal. Puis ils font semblant. Hein? Ils font semblant de marcher, là, avec des. Il y a l'ami Iroquois. Avec les branches, il fait semblant de craquer des branches. Puis il se fait passer pour le boc, pour attirer la femelle. Parce que la femelle, je sais pas, la viande, elle doit être plus tendre. Ou pour attirer le boc aussi. Tu sais, il se prend pour une femelle. Il se met du rouge à lèvres, puis il se promène, hein? Bon, attends, je suis fini. Oh, non, il se prend pour, je sais, Jeanne-Mère. Mon truc! Ah, plum, plum, plum, plum. Puis là, les orignaux s'en vont. Toutes les orignaux quittent! Non, il a dit, hey, voyons donc, toi, lâche le musical. Mais il dit, ah, mais non, c'est une nouvelle façon d'attirer leur. Mais depuis quand, c'est la nouvelle façon? Le truc à plume, voyons donc. La seule chose que ça va attirer, c'est le monde underground. Puis on n'en veut pas. On veut manger de la viande. On appelle ça de la viande de bois chez nous. Chez vous, vous appelez ça comment? On appelle pas ça. On appelle pas ça, ça vient tout seul. Ah, bon, mon Dieu Seigneur, vous êtes chanceux. Moi, j'aimerais ça, tu sais, un soir, là, comme maintenant, là, de dire andouillette. Tu sais, les andouillettes m'arrivent devant moi. Hein? Comment les andouillettes peuvent m'arriver sans que je demande la cuisson? Ah, c'est vrai qu'il y a une seule cuisson. Mais sans que je demande la sauce, parce qu'il y a plusieurs sauces qui peuvent accompagner l'andouillette. Mais là, on parle d'orignal. On parle de l'orignal, on parle des orignaux. Et les orignaux sont plus originales que les... Vas-y. Qui? Que les orignaux sont plus originales que les... Que les colibris? Ah, bon, Seigneur! They did like the mornings. They did like the healing. They didn't believe in sacrifice. They believe in the moonlight. It's the red oil in the soil. C'est pas les oiseaux, madame, c'est les azous. Les azous. Il faut les ajouter à un regroupement, comment dire, un... Attends un peu. Les azous, c'est un... Ça va m'arriver, faites-vous-en pas. Ah oui, oui. Je crois vraiment à la sainte flanelle qui me touchera le tympan cérébral. C'est un regroupement, OK? C'est un courant de mode où la France des années 40, également présentée comme une contre-culture, il s'agissait de gens qui reconnaissables, bien sûr, à leurs vêtements anglais ou américains et affichant un peu leur amour du jazz. C'est ça, un zazou. Puis Brigitte Fontaine fait une très belle chanson aussi sur les zazous. Mais c'est pas elle qu'on va entendre. Mais une dernière chanson de mon ami qui vient de nous quitter cette année. Et comment? une donnée, c'est pas une donnée, c'est une dernière chanson, une avant-dernière. En tout cas, une des pièces qui suivra sera de lui. De lui, du Zazou? Hey, mais si tu me fatigues, toi, non, l'Arnaud. Pas compliqué la vie, là. 1 plus 1, ça fait 8. 8 moins 1, ça fait 1. Puis 1 fois 7, ça fait farafacette. Et mon Dieu. Oui, c'est la fête chez moi. Et tout le monde est là. Même une partie de ma famille est là. Delphine, elle est saoule. Elle vit dans un trou. Mais c'est normal, elle cherche un mal. Nicole, elle est banquière. Elle a la trentaine. Avec des problèmes d'une célibataire. Ma cousine Sophie, elle s'ennuie aussi. Mais la douleur, c'est son meilleur ami. De plus en plus une emmerdeuse. Louis, il s'en fout de tout. Il a déjà la tête au paradis. Oui, c'est la fête chez moi. Et tout le monde est là. Même une partie de ma famille est là. Les méchants cherchent à nous faire peur. Les méchants cherchent à trouver le point qui nous fait mal, qui nous font un, qui nous fait... Le méchant, y a-t-il des méchants dans la salle? Y a-t-il une salle? Hey Raymond! On fait une émission où, là? Y'a pas de salle, y'a pas de micro? On est derrière quoi? L'incompréhension terrestre. Ah, si on connaît ça, là. On se regarde le nombril. On se le frotte un peu. On essaie de faire des incantations. T'aimes-tu ça, faire des incantations, toi? Juste le vendredi soir? Ben là, on est le... Ah, on n'est pas le temps. C'est pas le temps. On n'est pas lundi, mais c'est pas le temps. On n'est pas lundi. C'est nous qui décidons de l'année, du mois, de l'heure. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me dis, on est en 1993. Qu'est-ce qui s'est passé en 93? Je le sais pas. Je veux pas le savoir. Je l'ai déjà su. Ça, c'est le discours d'un Alzheimer. Des temps modernes. Quoique, l'Alzheimer, c'est très commercial, hein? Ah, moi, je sais pas, là, mais toute ma famille a été Alzheimer. Fait que comment on fait ça pour acheter de l'Alzheimer? Parce que moi, j'en veux pas, là. J'ai cliqué sur rien, puis j'espère que non, je vais pas mettre ça. Non, PayPal, non, sur PayPal, je veux pas rien savoir. Puis c'est comment, ça? On reçoit ça dans une enveloppe, on ouvre l'enveloppe, puis pouf, on devient Alzheimer. C'est quoi, là, l'Alzheimer? Écoute, toi, calme-toi. Non, je peux pas me calmer, moi, là. Parce que toute ma famille a été Alzheimer, là. Quand je te dis de ma famille, là, c'est tout. Mes tantes, Mes tantes, ma grand-mère était Alzheimer, puis aussi, elle était pas juste Alzheimer, elle. Ah non, non, non. Comme ma mère, elle était pas juste Alzheimer. Ah non, il y a d'autres choses qui se greffent à ça. La démence. La démence. Ouais, mais toi, tu fais une émission depuis combien de temps? Tu parles de qui, là? Ben, Rénal Gagné. Ah, moi. Moi, je fais une émission depuis, Belle Lurette. Ben, Belle Lurette. Qu'est-ce que tu cherches dans tes émissions? Ah, ben, moi, c'est de perdre la tête, puis de changer de personnage, puis d'aller plus loin, puis de pas me coller à ce que nous vivons, donc à me propulser en dehors des mots pour essayer de trouver comme la ligne médiane d'une phrase sans savoir où je m'en vais. Dans les cuisses des filles de mon quartier, j'ai trouvé de quoi me réconforter. Mais une fois apprivoisé, rêvais d'une autre voie lactée. J'aime pas les filles. J'aime pas les difficiles. J'aime les pas bons. De style des filles du Brésil qui mettent en péril du coup de leur nombril les saints évangiles. Dans les yeux des filles de mon quartier, j'ai pas trouvé cette lueur bleue, ni ce truc vraiment dangereux qui rend l'amour. C'est délicieux. J'aime pas les filles faciles. J'aime pas les difficiles. J'aime les barbons de style des filles du Brésil qui mettent en péril. Leur nombril, les saints évangiles, les filles de mon quartier. Des filles de mon quartier, j'ai léché ce goût du désir et des promesses qui expirent après les vagues de soupirs. Les filles faciles, j'aime pas les difficiles. J'aime les battements de style des filles du Brésil qui mettent en péril du bout de l'eau. je vous présente mon premier invité pour cette brochette 2022-2023 lors de mon passage à Paris en juillet 2022. C'est assez mêlant, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vous propose l'être extraordinaire, d'une générosité indescriptible, au rire communicateur, l'auteur, le dramaturge, l'être qui réfléchit sur l'art dans sa plus belle spécificité, un être extraordinaire, Franck Masse. Alors, je vous le propose aujourd'hui. Bonne émission avec le sympathique Franck Masse. Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel, abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. Sur quel continent, sur quel rivage as-tu déposé tes rêves d'enfance? Parles-tu la langue des chats sauvages? As-tu rencontré l'être sans défense? Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel, abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. As-tu voyagé tout autour du globe? Caresser la peau de toutes les couleurs, ou tout simplement trouver un bon job afin de payer tes antidouleurs. Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel, abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. Quelle rivière t'es-tu baigné nu au petit matin? Es-tu allongé sur une civière avec au poumon le feu qui s'éteint? As-tu cajolé tous tes idéaux? As-tu de l'amour jusqu'au bout des doigts? Comme bien souvent, monsieur météo prévoit de la pluie et je pense à toi. Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel, abandonner là les hommes indolents et le désordre structurel. Comment vas-tu? Très bien, et toi, malgré tout ce qui s'est passé durant ce temps-là? Mais c'est le passé, ça n'a aucun intérêt. Ben, il faut pas se laisser... Voilà, c'est fatigué. Effectivement. Ben, j'avance. Comment vas-tu? Parle-moi très de bien, toi. Très bien, très bien. Je vérifie si tout fonctionne. Comme d'habitude, tout est merveilleux. Ben oui, tout va bien. Ben moi, ça va bien. Je suis arrivé depuis hier. T'es arrivé hier? T'es pas trop en jet lag? Parce qu'on s'est vu quoi, il y a 2 ou 3 ans? Ouais, mais attends un petit peu, je vais juste revenir là-dessus. Du coup, je vais éteindre mon téléphone, peut-être. Ça sera peut-être mieux. Ah, j'ai reçu un message. Tu peux répondre, hein? Non. Mais voyons. C'est ça pour ça. Mais moi, comme je suis un ancien travailleur de nuit, oui, je sais. Donc, il est très tôt pour toi. Non, mais le décalage horaire n'existe pas. Un travailleur de nuit, on s'adapte tout le temps. Il n'y a pas de. On dort 2 heures, j'ai des problèmes de sommeil depuis 30 ans, donc je dors 3 heures, puis on y va. Tu es dans ton petit hôtel à côté, là? L'auberge de jeunesse. Bon, bah super. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cette année, il y a eu peut-être un embrouille là, dans les horaires, puis moi j'avais pris une place pour trois lits, OK? Alors, donc on est 3 personnes, mix. Mais pour les 4 soirs, pour les 4 nuits, c'est ce forfait-là que je vais avoir. Mais l'autre, c'est ils m'ont placé dans une chambre de 6. Mais là, vu la bourde, parce que c'est pas moi qui ai fait l'erreur, ils m'ont fait ça à moitié prix. Donc ça me coûte pour 11 jours 210 euros. Ben, peu de profit. C'est le prix d'une chambre dans un bel. Ben oui, pour une nuit. Donc j'ai rien dit. Normalement, Non, ne dis rien. Ne dis rien. Non, mais ben là, enfin, j'ai dit oui. Sinon, le prix régulier était 440 euros. Ben, c'est très bien. Mais tant mieux. Oui. Comme ça, tu auras gagné. C'est très bien. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, moi, je vais très, très bien. Oui. Je t'ai vu dans d'autres sphères que l'écriture. Ah ben non, je suis toujours dans l'écriture. Oui, mais je t'ai vu aussi en dehors de tout ça. Dans quel contexte? Ben, tu commences à te prendre pour Zizi Jeanne-Mère. Ah ben non, mais je fais du cabaret pour faire rire. Oui. Ah ben oui, bien sûr. C'est très drôle, ça. Mais vous, c'est à côté de ta création. Oui, parce que j'ai des amis qui me demandent de participer à des cabarets. Et comme c'est un des rares lieux où tu peux te libérer de tout... Et tout est complexe, et puis surtout de les surenchérir pour en faire du burlesque. Hein. Ouais. Ben j'y vais. Puis c'est à quel endroit que ça se passe? Alors ça s'est passé à 2 endroits. Ça s'est passé au Nouveau Gare au Théâtre, à Vitry-sur-Seine, qui est dans une ancienne gare de fret à 10 minutes en RER de la gare Saint-Michel. C'est okay. Dans une proche, très très proche banlieue de Paris. Okay. C'est un lieu dans lequel je suis très impliqué. Voilà, que j'aime beaucoup. T'es piqué au niveau... Je vais t'en parler. Ok, oui. Je vais t'en parler. Et puis, c'était pour la présentation de saison l'année dernière. Ok. Et puis, dans un lieu un peu étonnant, dans un quartier que je ne fréquente pas du tout, qui est du côté de la Goutte d'Or. C'est un quartier qui s'appelle... comment ça s'appelle? Le Grand Parquet. Ok. En fait, c'est un parquet de balles qui est implanté dans des jardins de la ville de Paris. C'est improbable. C'est le 18e. Okay, ouais. C'est métro, Stalingrad. Pardon. Et voilà, ils m'ont redemandé de faire un cabaret. Et puis j'ai fait des choses totalement délirantes, dans ce qui est plutôt très drôle. Hein. Mais c'était pas la même chose que le premier projet, ça avait rien à voir. Alors le premier projet, c'était une présentation de saison où c'était des numéros de cabaret. Moi, je faisais un numéro d'effeuillage. Ouais. Je me suis dit, j'ai 50 ans, je suis gros, je suis moche, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Donc vas-y, mon grand. Et donc je me suis dit, allez, on y va, ça va faire rire tout le monde. Et puis après... Est-ce que les gens qui te voyaient te connaissaient ou... Il y en avait certains qui me connaissaient, il y en avait d'autres qui ne me connaissaient pas. Mais l'idée, c'est de voir un gros qui fait un défeuillage. Non, un gros, c'est pas ça, un gros. Là. C'est... Ah ben si, mais c'est très drôle. Ouais. Mais c'est très drôle, enfin, tu vois. Alors, mais c'est... Moi, je vais prendre le citron pressé, s'il vous plaît. OK. Et moi, je vais prendre un café. Et le deuxième, c'était un autre cabaret, donc au grand parquet, où là, j'ai joué comme la première fois un peu le monsieur loyal de la soirée. Ouais. Mais j'avais un numéro très... qui m'a énormément plu. C'est que sur une chanson de Sheila qui s'appelle « Comme les rois mages en Galilée ». Ah oui, comme les rois mages, ben oui, c'est un tube. En Galilée, voilà. Et là, je me suis... La chanson va jouer. « Là, je me suis déguisé en Christ ensanglanté, avec une énorme couronne d'épines. Donc, j'étais couvert de sang et je chantais Sheila, à poil. C'était Destroy. C'était totalement Destroy. J'adore ça. C'est le côté décalé. Mais comment l'idée est venue ? Non, mais c'est... Oh, bah, parce que tu sais, les idées folles, bah, j'en ai toutes les 5 minutes. Et plus c'est ridicule, et plus je peux me ridiculiser. Et plus, et plus tu sens bien. Ah bah évidemment, c'est hyper agréable. Très agréable. Alors t'es pas... fondamentalement, t'es pas un traqueur. Ah mais totalement. Ok. Ah mais je dors pas 3 jours avant. Non mais quand tu réfléchis, c'est drôle sur le moment, mais quand tu dis c'est moi qui le fais... Ah oui, mais ça c'est... Oui, mais j'assume complètement le fait de pas dormir pendant 3 jours et d'être hyper angoissé et de... Mais oui, bah, si c'est pas, s'il n'y a pas un petit vertige avant de faire les choses, ça ne sert à rien. Mais une fois que tu es sur scène, tu t'amuses. Ah bah, j'ouvre les vannes et puis je... Voilà, puis... Mais arrives-tu à t'oublier ou si tu es encore sur le stress? Ah ben bah non, quand tu rentres sur scène, tu n'as plus de stress. C'est l'adrénaline qui... À partir du moment où tu es sur scène... C'est fini. Là, tu dois livrer la... Ah bah tu donnes. Oui, c'est ça. Tu donnes tout. Et puis la réaction du... Ah, mais ça, je ne sais pas, parce que je suis toujours totalement dépressif après que je sois sur scène. Je veux pas, je veux rien entendre. Okay. Je suis incapable de parler aux gens. Je suis en dépression nerveuse. Parce que tu trop fort. Non, c'est que je les ai tellement donné okay, que je suis en dépression nerveuse pendant 30 minutes. Donc ça fait 25 ans que je le sais. Non, mais après, donc je préviens les copains. Je dis, oui. Après le spectacle, je vais être en dépression nerveuse. Vous ne me dérangez pas. Vous me dérangez pas pendant 20 minutes. Et quand vous me voyez éclore et que vous voyez un petit sourire, okay. C'est que je suis capable de vous parler. En fait, c'est parce que tu as décompressé. Oui, probablement, il doit y avoir une raison très psychologique, physiologique. Ouais, ou, ouais. J'en sais rien. Ouais, c'est gentil, merci. Mais oui, je sais que c'est comme ça à chaque fois. Donc, je le sais. Je peux pas... Mais tu te connais très bien, d'abord. Hein? Tu te connais très bien pour savoir ça. Tu te connais... Je sais que dans ces contextes-là, je suis totalement dépressif pendant 30 minutes. Alors que je n'ai pas du tout un tempérament dépressif, mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais je sais que dans ces moments-là, après les spectacles, il ne faut pas qu'on parle pendant 30 minutes. Mais les commentaires par la suite, il n'y en a pas eu? Si, mais je ne les entends pas. Ok, ok. Et je ne crois jamais à ce qu'on me dit. Ah oui, ok, parce qu'on veut être gentil. Tu crois qu'on veut être... Bah, si tu veux, je ne sais pas. Du fait probablement de la fatigue et puis de mon incapacité à sortir totalement de cet état d'esprit un peu dépressif. Je suis dans l'incapacité de pouvoir faire le tri entre la sincérité, la gentillesse, la diplomatie et la couardise. Ah ouais. Et comme je veux pas, et comme je n'ai pas l'énergie pour analyser ce genre de choses, je n'entends pas. Je dis oui, je souris, je suis très agréable avec tout le monde, mais je suis incapable de savoir ce qu'on me dit. Et quand bien même on me dirait des choses très gentilles, je n'y crois jamais. Ouais. Donc je suis dans une incertitude totale. Mais ça, j'ai appris à l'apprivoiser depuis 25 ans. Mais est-ce que tu sais, toi, après coup, si tu as réussi, personnellement ? Je m'en fous. Okay. Toi, tu as fait ce que tu pouvais avec ça ? J'ai donné le maximum. Et après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Donc je tutoie l'incertitude de manière permanente. Mais tu fais ça depuis le début de ta création, depuis le temps que tu crées? Non, parce que j'ai un ego surdimensionné, donc je suis certain que tu fais des choses bien, Renald, okay. Voyons. Ok, désolé de t'avoir froissé. Pas du tout. Mais alors, je sais que c'est une blague, mais tu te sens beaucoup plus en position de témoigner en écrivant que quand tu présentais ce sens. Ah non, je me sens beaucoup plus déstabilisé quand je suis sur scène que quand je fais mon travail. Okay. Je suis totalement désemparé. Totalement désemparé. Et c'est ce qui te plaît? Bah non. On m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. J'ai accepté de le faire, mais non. Non, c'est pas un truc... Je cours pas après. Mais je te suis depuis le début, depuis le temps où tu écrivais pour quelqu'un qui est décédé, une actrice qui est décédée. Mireille. Mais ça fait pas si longtemps, hein? Ça fait 5-6 ans. C'est ça, 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Je sais pas. J'ai aucune notion de la durée, donc je sais pas. C'est peut-être toi qui sera beaucoup plus... Non, mais j'ai des archives, hein? J'ai des archives. Et pendant le moment où... Mais moi, je travaillais parce que j'étais dans une ligne de front. Là. On devait aller travailler malgré tout. Je les écoutais surtout parce que je pouvais pas venir ici. Donc, je voulais faire quand même mon émission. Donc, je suis allé voir dans mes archives et j'ai trouvé... Mireille. Ben, j'ai fait un bisou, tiens, à Mireille. Ouais, ben oui. Je l'aimais beaucoup. Mais c'est une fille qui t'a beaucoup éclairé, qui t'a beaucoup aidé, pour qui tu travaillais avec... Ah ben, j'ai écrit un rôle pour elle. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai écrit trois rôles pour trois femmes. Que j'aime beaucoup. J'ai écrit un rôle pour Raymond Palsy. J'ai écrit un rôle pour la voix de la SNCF. Oui. Voilà, un rôle pour elle, pour Simone Hérault. Et j'ai écrit un rôle spécifiquement pour Mireille Mossé, qui est décédée. Ouais. Donc je lui fais un énorme bisou. Voilà. Mais est-ce que tu continues à écrire pour les deux autres? Non, j'arrête. J'ai fini, moi. J'arrête le théâtre. C'est terminé. Okay. Ça ne m'intéresse plus. Là, tu travailles beaucoup plus sur la forme didactique des mots. Pas des du tout. Alors, j'entends ce que tu me dis. Quand je te dis non, c'est que c'est le mot didactique. Ok. Qui te freine un peu. Dans lequel je ne me reconnais pas. Ok. Non, c'est que j'ai beaucoup. Je travaille toujours beaucoup. Ouais. Et là, je voulais sortir du mot. Du mot, du signe. Ok, ouais. C'est-à-dire de l'écriture. Comment parler d'écriture sans écriture? Comment parler du mot sans le dépôt d'encre par lequel tu écris les choses. C'est-à-dire d'assèchement de quelque chose de liquide à quelque chose de l'ordre du dépôt. C'est très beau. Écrire, ouais. Écrire un mot, c'est déposer de l'encre. Hein. C'est vrai. C'est assécher de l'encre. Hein. C'est vrai. C'est transformer le liquide en une matière sèche. Donc le mot s'assèche. Ouais. Pour pouvoir être lu, le mot s'assèche. Mm. C'est très beau, ce geste-là. Donc je voulais sortir de ça. Parce que j'y étais totalement englué dans mon travail quotidien. Et je suis arrivé à ce que je pense peut-être être une synthèse de 30 ans de théâtre. Okay. En fait, je ne parle plus du mot en tant que signe, donc en tant que écriture, mais je parle de mot en tant que souffle. Le souffle du mot. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai rencontré des auteurs des linguistes, j'ai rencontré des poètes. Quand je dis rencontrer, j'ai rencontré leurs écrits. Oh, hein, je ne les ai pas rencontrés personnellement. Mais peu importe. C'est leur... Bah, l'écriture, c'est une rencontre aussi. Oui. Et du coup, j'ai trouvé mes pères. Hein. Je vis avec eux. Enfin, je vis vraiment avec eux. Enfin, je vis souvent avec les fantômes, mais je vis avec eux au quotidien. Mm-hmm. Et là, du coup, j'ai créé une nouvelle œuvre. Qui marche, qui est programmé. Je suis dans les musées. Non, alors pas encore, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, c'est pas. Je peux pas te dire oui comme je souhaiterais, mais non, dans un théâtre et chez un collectionneur d'art contemporain. Transforme la parole, je me suis rendu compte que quand tu parles, tu, dans la bouche, articules, tu mâches quelque chose. Donc il y a un goût, le goût de la parole. Ça, c'est une notion que j'ai apprise chez un linguiste et qu'on appelle le tahamim. Le tahamim. Tahamim. Tahamim, qui est une notion qui est liée à la lecture herméneutique de la... Donc c'est juif, qui est lié à une lecture herméneutique de la Bible, sur laquelle je travaille aussi. Et ce goût-là m'a amené à comprendre que tout ce que l'on disait, tout ce qui sortait organiquement notre petit espace buccal, transportait du sens, mais transportait aussi des substances. Ces substances, c'est les gaz que notre corps n'a pas ingérés lors de l'inhalation. Donc c'est de l'azote, du dioxyde de carbone, de l'oxygène, des gaz rares, de l'hydrogène un petit peu, et puis la vapeur d'eau. Or, ces éléments gazeux qui sont produits lors de la parole sont aussi les aliments, les éléments dont se nourrissent les plantes. Et le projet que j'ai, c'est de nourrir, de stimuler la croissance d'une plante grâce à la parole. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur ce projet qui aujourd'hui s'appelle tout simplement l'arbre de Molière. C'est beau. Et l'arbre de Molière consiste en fait à lire, via un grand appel à participation, l'ensemble du répertoire de Molière à une petite noix qui germe. Et pourquoi je prends une noix? Parce qu'en fait, en 1673, lors de la 4e représentation du Malade imaginaire, la dernière pièce de Molière, Molière a une quinte de toux mortelle. Et lors de cette représentation, il y avait un fauteuil sur lequel il a commencé à avoir sa quinte de toux. Et ce fauteuil, il est constitué de cuir, il est constitué de clous, il est constitué de paille, et la structure du fauteuil est en bois de noyer. Donc métaphoriquement, le noyer est l'arbre qu'il a vu mourir. Et comme en ce moment, en France, on célèbre depuis maintenant 6 mois le 400e anniversaire de la naissance de Molière, je me suis interrogé sur la commémoration. Qu'est-ce que c'est que la commémoration? La commémoration, c'est dans un temps très précis, regarder en arrière, regarder le trajet qui a été effectué, et remercier d'une façon plus ou moins événementielle ce qui a été traversé par le temps. Je trouve ça débile. Je trouve que c'est de la non-pensée. Je trouve que c'est utiliser à des moyens sottes, c'est ne pas interroger le souvenir. C'est simplement appliquer une méthode culturelle qu'on appelle commémoration. Je trouve ça... Mais vraiment, je trouve ça bête, sot. Ça fait 400 ans que Molière est vivant. Ça fait 400 ans qu'il est mort, mais ça fait 400 ans qu'il est vivant. Donc, je me suis dit, et j'ai pas eu tort, c'est qu'en fait, là, pendant 1 an, il y a des gens qui vont prendre des pièces de Molière, qui vont les monter, qui vont se dire, on va surfer sur la bonne nouvelle, les pièces de Molière, pour se faire un maximum de thunes, se faire un petit peu d'argent, mais ils en ont un peu rien à foutre de Molière. Il y a quelque chose de l'ordre de la... du vice là-dedans, et de la... commercialisation. C'est non seulement la manifestation d'une non-vertu, mais c'est la manifestation d'une non-pensée. Je trouve ça donc abject. Ça m'écœure, je trouve ça vulgaire, je trouve ça profondément vulgaire. Et je me suis dit, comment ne pas rentrer dans ce schéma-là, non pas par ego, mais parce que je trouve ça fondamentalement idiot. Et je me suis dit que plutôt que de regarder en arrière, j'ai envie de regarder en avant. Et comment faire vivre le spectacle de Molière, l'héritage de Molière, sinon en transformant l'ensemble de son répertoire en un aliment pour créer de la vie. Et c'est comme ça qu'est venu le projet de l'arbre de Molière, qui vient d'être non seulement programmé dans un théâtre pendant 2 ans, mais chez un collectionneur de la contemporaine qui vient de m'acheter le projet. Donc c'est comment la parole devient... le souffle, tu sais que dans la Bible, la parole, le premier souffle, c'est voilà, le souffle de la parole. Donc c'est ce qui induit et impulse la vie. La parole est l'impulsion de vie. Et c'est un projet qui est éminemment conceptuel, mais qui, en fait, est très simple. Très, très, très poétique, je crois. Et tu trouves là-dedans rien de trop hermétique? Ça n'a rien d'hermétique. C'est que les gens vont venir lire pendant 2 ans. Des gens connus ou des... Alors, monsieur tout le monde, madame tout le monde? Il y aura des guests. Et puis il y aura monsieur et madame tout le monde, parce que Molière, ça appartient à tout le monde. Oui, ben oui. L'art appartient à tout le monde aussi. L'art appartient exactement. Et du coup, il y a des gens que j'aimerais beaucoup inviter, certains copains de la comédie française, certains comédiens, des gens que j'aime, et puis des monsieur et madame que je ne connais pas, qui vont en fait nourrir et alimenter de l'espérance. Sous un ciel de brune, un corps mourant, des chouettes, des mouettes et la goéla. La pluie forme des coulisses à la fenêtre. La rue sauf en la rivière. Il n'y a pas de mot pour le mot fleuve dans votre langue, madame. Dans votre langue, madame. Dans votre langue, madame. Des souvenirs qui goûtent le sel et l'abricot. La pluie forme des ruisseaux dans la ruelle. Nos mains moites font des prières. J'ai la certitude que tout est là. Sur votre peau, madame. Sur votre peau, madame. Dessine un corps céleste et une chaîne de montagne. Un capteur de rêve à la fenêtre. Un oiseau blanc dans la lumière de septembre. J'ajoute quelques fleurs. Des fleurs de lys et d'Aziris, madame. Et puis je vous repeins un repentir et d'asile, madame. Et puis d'asile, madame. Ah oui, d'asile, madame. Moi, ça me fascine. En fait, je trouve ça... Je suis tellement reconnaissant qu'il y ait des dingues comme toi, comme d'autres. Qui est des mecs aussi dingues que moi, qui me permettent de faire de cette idée une réalité. Ça, je suis mais tellement reconnaissant, Je trouve ça fou. Mais c'est ça que je veux dire aussi, c'est que toi, tu lances des idées, ces idées-là sont prises par quelques-uns, et pour que tout ça prenne vie. Et c'est toi qui es l'investigateur de cette naissance-là. Mais il y en a d'aussi fous qui disent, ben, on te chapeaute, on veut que ça se poursuive, donc on va t'amener dans cette réalisation-là. Oui, c'est ça. Ah ouais. Et puis c'est surtout, ce projet-là, en fait, il aborde quelque chose qui, moi, m'interroge beaucoup. C'est qu'en fait, quand tu vas au théâtre, la pièce, on a l'impression, culturellement, que la pièce est entière, totale, uniquement dans le temps de la représentation. Ok, oui, oui. Tu prends une pièce de Molière, par exemple, une pièce du Shakespeare, ou que sais-je, et puis la pièce n'existe vraiment que pendant les 2 heures de la représentation. Donc avec les comédiens, les décors, les lumières, les costumes, la salle. Il y a à partir du moment où le spectacle est fini, la pièce n'existe plus qu'en livre. C'est comme si elle était revenue à une espèce d'état primaire. C'est comme si elle avait perdu tous les atouts et qu'elle devenait de toute façon un potentiel. Mais il y a une espèce de séquençage des textes. C'est-à-dire que le texte existe en tant que livre et il existe pleinement en tant que représentation. Oui, mais tu ne trouves pas que la représentation, c'est en fait de transmettre aux gens et les gens vont quitter avec la pièce de théâtre en eux. Donc, ils vont continuer à faire vivre un peu les personnages. Alors oui, totalement. C'est très juste ce que tu dis. Mais moi, c'est ce que j'appelle le discontinu. C'est que le théâtre n'existe que par un sautillement de discontinuité. Que par le sautillement de différents temps de représentation. Entre deux représentations, la pièce existe moins. Elle existe autrement dans le souvenir des gens, ouais, mais elle existe dans une espèce de... Elle change de corporalité. Oui, exactement. Tu vois, elle se métamorphose. Elle se transforme. Elle se transforme. Ouais, ouais. Il y a une espèce de mutation, de mu. C'est très beau. Oui. C'est très, très beau, ça. Mais en même temps, cette idée-là peut aller plus loin parce que si, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Molière va voir une pièce de Molière, s'y intéresse, donc se l'accapare, hein, s'en va avec et réfléchit, cette personne-là peut aller plus loin, peut faire des recherches, peut quand même transgresser tout le reste. C'est-à-dire que on a comme alimenté l'individu avec quelque chose et la curiosité fait en sorte que ça peut aller un peu plus haut, un peu plus loin. Oui, je crois beaucoup plus en la paresse intellectuelle des gens que dans leur envie. Mais bon, c'est par constat, hein, que je vois. Peut-être par dépit aussi, mais peu importe, c'est pas le propos. Mais là, dans cette histoire d'arbre de Molière, la parole vit continuellement et transforme littéralement le regard que l'on porte et sur un arbre, et sur la littérature, et sur le spectacle. Et cette métamorphose de la vision qui passe du discontinu au continu, c'est un peu le cœur de mon sujet en ce moment. C'est comment rendre une parole continue. Combien de temps dure une parole ? Alors, il y a le moment de la gestation, qui se passe dans la tête. Il y a l'apprentissage de la langue, bien avant. Il y a le moment où je te l'ai dit. Et puis après, combien de temps ça dure une parole ? C'est fascinant, elle est infinie. Elle est étourdissante, cette question. Oui, mais c'est infini, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a plusieurs chemins, mais pas un chemin. Mais là, ce qu'il y a, c'est que je sais que c'est l'idée du mot qui se poursuit de manière infinie et qui s'incarne dans un objet vivant, qui du coup n'est plus un objet, mais qui est le témoin et un passeur. Et que du coup, un noyer, ça dure 400 ans, 500 ans. Donc je transforme la parole en substance nourricière. Et je suis... En fait, je suis très ému que les gens me... Font confiance. Oui. Oui. qui soit... Et en même temps, t'es peut-être un bon communicateur. Je ne communique jamais. Ben, qu'est-ce qu'on vient de... Je parle de mon travail, okay, je ne communique pas dessus. Ok, il y a une différence. Oui. Ah bah, moi, je refuse de communiquer sur mon travail. La communication, c'est présupposer que ce que tu vas dire est suffisamment contraint pour que la réception de ce que tu donnes soit totalement en adéquation avec ce que tu supposes qu'il soit reçu. Ah, ok. Ouais, c'est... Et moi, je fais absolument l'inverse. Enfin, j'espère. Comme si c'était immuable. Tu viens de le... Hein, tu as ton projet, tu le racontes, et tout ce que tu dis, on ne peut plus y retoucher. Mais toi, au contraire, t'es prêt à... Es-tu prêt à des changements? Es-tu prêt à avoir des échos des gens qui... Qu'il y ait des retours sur ce que je fais avec grand plaisir. Mais ce que j'ai appris, tu vois, pendant le confinement, où j'ai beaucoup travaillé aussi... Pour moi, il y a quelque chose de vertigineux dans le fait de parler. Pour moi, c'est un vertige absolu. C'est que c'est un acte d'incertitude permanente. C'est que tu ne sais jamais, là, quand je te parle, je ne sais absolument pas comment tu vas recevoir ce que je te transmets. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Tu peux avoir 300 personnes et chacun va... Mais c'est exactement ça qui est fascinant. Ouais. Ce qui est en fait l'inverse de la communication. Ouais. La communication, elle impose de lire et de comprendre les choses sous un seul angle. Mais parler, articuler un mot, c'est la chose. Pour moi, c'est une des choses les plus vertigineuses au monde. C'est que je ne sais pas. Je ne sais pas l'amplitude du lien que je peux établir avec la personne qui me reçoit. Et ça, je trouve ça profondément vertigineux. Oui. Je trouve ça très émouvant d'incertitude. Et ça, ça me fascine. Je voulais être dans ta tête. Ou dans ton ventre, seul à te prendre, soudé à toi, soudé à toi. Je voulais dire, je t'aime aussi. Avant la nuit, après la lecture de notre histoire, de notre histoire, je collectionnais les cartes de soie. Pour après ta fête, collé à tes lèvres, collé à tes lèvres, une pluie de météores, brodée de silence. Le feu au sentier. je m'y suis brûlé au second degré. Ça, ça me fascine. Et c'est pour ça que l'arbre de Molière essaie de mettre en lumière non pas la réception de ce qui peut être entendu, mais l'idée de ce qui peut être entendu et incarné. Et que... Et que j'espère... l'avoir pointé du doigt avec ce que j'ai fait. Voilà. J'espère ça. En sachant que très peu de personnes le percevront. Et justement, c'est ça le vertige. Oui, exactement. C'est le vertige et une douleur, et une espérance, et une incertitude. C'est fascinant, en fait. C'est fascinant. Moi, ça me fascine. Et ce qui me fait, je suis fasciné. Ça me fascine. Voilà. Mais pendant le confinement, tu m'as dit que tu t'es penché sur l'écriture. Alors oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Bah, j'ai mis en ordre alphabétique toute la Bible. Oui? Ça y est, c'est oui? fait. Ok. Parce que quand on s'est rencontrés, il y a deux ans et demi, trois ans, tu y travaillais. Je commençais oui. à y travailler. Est-ce que tu peux expliquer le projet? Parce que là, ça fait quand même. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, il y a un lien évident qui est très simple entre un texte de théâtre et la Bible. Parce que l'origine de ce travail sur la Bible vient d'une réflexion sur le théâtre. Un théâtre n'existe et ne peut exister que dans l'interprétation qu'on peut en faire. Et un texte de Molière existe depuis 400 ans parce que ça fait 400 ans qu'il y a des interprétations du texte de Molière. Plus ou moins réussie, plus ou moins juste, plus ou moins judicieuse. La Bible. Et justement, j'y viens. Et je me suis intéressé... Je me suis posé la question, j'ai quels sont les textes qui n'existent que par dans leur interprétation okay. et qui aurait une espèce d'incidence sur notre culture, notre façon de penser. Alors, il en existe beaucoup, hein. Énormément. Mais celui sur lequel je me suis intéressé, parce qu'il est le fondement de notre culture occidentale, en tout cas une partie de notre culture occidentale, c'est la Bible. Et pourquoi je l'ai mis en ordre alphabétique? C'est parce que je refusais de mettre en scène des textes du répertoire. Je refusais d'instrumentaliser la notoriété d'un auteur, comme celui de Molière, pour tenter de récupérer un peu de sa notoriété pour m'en faire une. Y a des notions comptables derrière qui, moi, me... Je trouve ça vulgaire. Je trouve ça fondamentalement vulgaire. Et je me suis dit, comment essayer de faire une mise en scène sans rentrer dans l'histoire des 400 ans de mise en scène. Parce que j'ai un petit cerveau et que je ne suis pas du tout sûr que la vision que j'ai, par exemple, de l'avare de Molière soit plus judicieuse, soit plus intéressante, soit plus intelligente, soit plus pertinente que les metteurs en scène qui m'ont précédé. Et que je trouve que le seul moyen d'y échapper, c'est de refuser la projection de l'ego là-dedans. Parce que je me suis dit, il n'y a que mon ego qui peut me faire accepter de faire une mise en scène de Molière. Qu'est-ce que c'est d'autre? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai pas envie de ça. Je refuse ça. Et je sais que je ne suis pas suffisamment intelligent pour faire une mise en scène qui soit plus pertinente que celle de mes prédécesseurs. Donc je refuse de faire de la mise en scène. Mais je me suis dit, comment amener à des lectures différentes du texte de Molière ? Et le seul moyen, c'était de m'intéresser au texte lui-même. Et qu'est-ce que c'est qu'un texte ? C'est quoi un texte ? C'est un drôle de truc, un texte. Alors il y a plein, on peut partir sur plein d'angles différents. Mais je me suis dit, un auteur, quelqu'un qui écrit, malgré le fait que l'on ait une langue identique, va inventer sa propre petite musique. Cette petite musique, c'est le style. Alors que Victor Hugo parle français, il a sa petite musique à lui, qui est le style de Victor Hugo, qui est différent de la petite musique de Maupassant, qui est différent de la petite musique de Sartre, de Nathalie Sarraute ou de Marguerite Duras. Il s'agit pourtant de la même langue. Donc cette petite musique, c'est le style. C'est comment les mots sont agencés les uns avec les autres pour déployer un sens, une couleur, une teinte, plus qu'un signifiant. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, parce qu'en fait, les premiers metteurs en scène des textes ou du théâtre, et ce sont les auteurs eux-mêmes. Parce qu'ils agencent, ils mettent en scène les mots d'une certaine façon. Donc je me suis dit, là, en fait, c'est le style qui appartient à chaque auteur, qui est l'écriture est la première des mises en scène des textes. Et ça a commencé à m'intéresser. Et je me suis dit, comment intervenir sur un texte sans inventer quelque chose qui pourrait non seulement appartenir à 400 ans d'histoire, mais surtout, c'était pour moi une façon de refuser une énième interprétation du texte au sens traditionnel du terme. C'est clair ce que je dis, madame? Non. C'est clair, c'est très clair, oui. Arrache-moi, ce trou que j'ai, ce cœur de plume, du rubis mazouté, ce trou à feu, d'où rien ne fut. Ce bout de toi.